هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. On est au cours 4 de cette série sur les règles de التجويد. Et بحول الله عز وجل، normalement si tout se passe bien inshaAllah ta'ala. Donc comme on est au quatrième cours ce soir, je pense qu'il nous reste à part ce cours là 3 cours encore. Donc ce qui nous ramènera à 7 cours en tout, au maximum 8 cours inshallah ta'ala pour pouvoir achever cette série et pour pouvoir avoir des clés pour pouvoir par la suite continuer à nous perfectionner dans la récitation du Coran, Al-Qur'an, Al-Karim bi idnillahi azza wa jal. Donc on avait parlé la semaine dernière lors du dernier cours de sifatul huruf, donc les caractéristiques des lettres. Donc on avait dit que certaines lettres avaient un aspect doux, d'autres plutôt dur, d'autres ont besoin d'un souffle, etc. Et on avait cité des exemples, on avait parlé de Al-Hams, d'accord, on avait parlé de Al-Jahr. Al-Hams, c'était les lettres ici qui, quand on les suivait, quand on les prononçait, il y avait un accompagnement de quoi? De l'air, d'accord. Donc ici il y a un écoulement de l'air accompagnant ici un certain nombre de lettres, et on avait dit que ces lettres étaient au nombre de 10. Donc il y avait le ta, il y avait le kaf, le sin, le sad, le kha, le shin, le ha, le tha, le ha, le fa. À titre d'exemple, ar-rahman, le ha. Donc on va pas dire ar-rah, on est obligé de sortir ici de l'air quand on prononce cette lettre ha. Ar-rah, ar-rah, bismillahir-rahman. Il faut qu'on entende le h, l'air. Bismillahir-rahmanir-rahim. Donc par exemple aussi le sin bis, donc il y a un écoulement de l'air, bismillah, c'est ce qu'on appelle al-hams. On avait parlé de al-jahr, donc ici un arrêt de l'écoulement de l'air lors de la prononciation des lettres restantes, c'est-à-dire 19 lettres. Par exemple ici alhamdulillah, le mim, alhamdulillah, d'accord, un arrêt de l'écoulement de l'air, alhamdulillah, le mim. Ici par exemple d'accord, al-hamza, yu'minun, on va pas dire yu'minun, non, yu'minun, واضح. On avait parlé de cela, et on avait parlé rapidement de at-tarqiq et at-tafkhim, et ça on va revenir sur at-tarqiq et at-tafkhim. Il y avait al-qalqala aussi qui fait partie de sifat al-huruf, et bi'idnillah azza wa jalla on en parlera par la suite. On a parlé de al-ghunna, d'accord. Je pense qu'on avait commencé à parler de al-ghunna ou pas, la nasalisation. On avait entamé, hein. Al-Ghunna, d'accord, de An-Nun, dans le Nun et dans le Mim. Clair? On avait cité la semaine dernière, si mes souvenirs sont bons, qu'il y avait différents degrés de Ghunna. Et on va le voir, bi-idnillah azza wa jal. Donc là, on va s'arrêter avec la règle du Nun As-Sakina et du Tanwin. Donc on avait dit le Makhraj. Donc le point de sortie de Al-Ghunna, c'est la cavité nasale. D'accord? Donc par exemple, quand je dis donc ici on voit qu'il y a un son qui sort du nez, c'est ce qu'on appelle al-ghunna, d'accord, et on va le voir au fur et à mesure. On parle d'abord de la règle du nun as-sakina, d'accord, et du tanwin. Ahkamun nun as-sakina wa tanwin. La lettre nun que vous connaissez tous et toutes, le nun, واضح, est appelé nun as-sakina. Clair? Quand il a une sukun, c'est-à-dire quand il est non vocalisé, il n'a pas de voyelle. C'est ni na, ni nu, nan, nin, nun. C'est rien de cela. C'est Il y a une sukun. Ce qu'on appelle nun as-sakina. واضح. Et on a le tanwin. C'est le nom donné en arabe à la double vocalisation se trouvant à la fin des mots et dont le son est celui du nun as-sakina. D'accord? On va donner des exemples, inshallah ta'ala. Et son symbole, c'est le doublement des voyelles. Soit ici fathatan, ou bien kasratan, ou bien dhammatan. D'accord? At-tanwin, c'est quand il y a une double voyelle. d'accord, le doublement de voyelles, donc soit deux fatha, soit deux kasra, ce qu'on appelle kasratan, ou bien soit dhammatan, deux dhamma. Le nun as-sakina est caché à l'écrit, mais il se prononce à l'oral. À titre d'exemple, ici on a aliman, d'accord, alimin, ou bien alimun. Wadih. Donc ici il y a soit deux fatha, soit deux kasra, ou soit deux dhamma. C'est ce qu'on appelle at-tanwin, d'accord, et ça nous donne le son n à la fin. Aliman, d'accord, alimin, alimun. C'est pour ça qu'on parle de nun as-sakina ou bien at-tanwin, parce que le tanwin à la fin il a le son n, et c'est ce qui nous importe là. C'est ce son là quand on l'a, comment réagir. La lettre nun sans voyelle, c'est-à-dire nun as-sakina, an-nun bis-sukun si on veut, avec une sukun, c'est sans voyelle, nun as-sakina. Ou le tanwin comme on a dit un, in, an. Le dernier son qu'on entend c'est quoi? Wadih. Ils ont deux points de sortie et suivent les mêmes règles de tajwid. La première, c'est quand le nun est prononcé clairement, la pointe de la langue vient se poser sur la racine des incisives des dents supérieures. Ça on sait. C'est ce qu'on appelle l'idhar, et on va le voir bi-idhnillah azza wa jal. Je vous répète, même si c'est confus un peu au début, vous allez voir que bi-idhnillah azza wa jal, après ça va s'éclaircir inshallah. Hein. Donc on a le d'accord, le son nun clairement, on le prononce. Et la deuxième, c'est quand il est dissimulé ou assimilé avec une nasalisation, la langue ne touche pas la gencive, elle reste au milieu de la bouche. D'accord? Et c'est ce qu'on va voir inshallah ta'ala. Donc on a un cas où ici on va le prononcer clairement. Dans le Coran on va le prononcer clairement. An'amta, an, on le prononce ou pas? Non, non, sakina. An'amta alayhim, an'amta, an'amta. Le non ici il a une sukun, il est non sakina, clair. Ici on dit an'amta, on le prononce non. Mais il y a d'autres cas où il y a le non qui s'écrit, voilà, qui ne se prononce pas clairement. D'accord? Donc ça nous amène à dire qu'il y a quatre règles concernant le nun. Et bien, idnillah azza wa jalla, quand on aura terminé les règles, on va prendre surat al-Fatiha, inshallah, surat al-Ikhlas, surat al-Falaq et surat al-Nas. On va apprendre à les réciter, à les lire correctement. Et au fur et à mesure que je les réciterai ces soirs, inshallah ta'ala, je vais faire un rappel sur chaque lettre, sur chaque règle qu'on a vue, inshallah ta'ala. Et ça restera, bi'idnillah azza wa jalla, enregistré pour ceux qui veulent corriger, inshallah ta'ala, leur récitation, particulièrement pour surat al-Fatiha. Parce qu'on sait que c'est un rukn, min arkan al-salah. C'est un pilier parmi les piliers de la prière. Donc surat al-Fatiha, faut qu'elle soit récitée correctement. Et je parle ici, bi'ijma' de quoi? العلم النظري ou bien العملي hein العملي النظري c'est quoi c'est la règle de العملي ça c'est à l'aql qu'on dit ça بإجماع c'est-à-dire correctement il n'y a pas المعنى qui change le sens qui change il n'y a pas une voyelle qui est mise alors que ce n'est pas la bonne voyelle il n'y a pas une shedda qui est mise alors qu'il n'y a pas de shedda, il n'y a pas de rajout, il n'y a pas de diminution, c'est-à-dire, même s'il n'y a pas les règles de tajwid qui sont appliquées, mais c'est récité correctement, proprement, chaque lettre a quand même son dû. D'accord? Donc, on le verra bi-idnillah azza wa jal. Donc, ça nous ramène à dire que concernant an-nun, as-sakina et tanwin, il y a quatre règles à appliquer selon le cas. Clair? Lorsqu'ils sont suivis d'une des lettres de l'alphabet. Et ça, on va le voir, bi-idnillah azza wa jal. On a ce qu'on appelle al-idhar. C'est la clarification. Al-idhar. Al-nun. Al-idhar. On a al-idgham. C'est ce qu'on appelle l'assimilation. Al-idgham. On va en parler. On a al-iqlab, ou le mieux et al-rajih, on dit al-qalb. Vous allez voir pourquoi. C'est ce qu'on appelle la substitution. Et on a al-ikhfa. Al-ikhfa, c'est la dissimulation. On a al-ikhfa, c'est la dissimulation. Ceux qui veulent suivre en parallèle, vous pouvez ouvrir le Coran al-Karim dans Surat al-Fatiha. D'accord? Vous prenez surat al-Fatiha et surat, ici al-Baqara, donc qui est juste à côté, vous allez voir surat al-Baqara. Juste, un frère me donne un Coran rapidement, inshallah. Et ici, juste pour avoir un peu et vous habituer ici à commencer à voir les lettres clairement en les suivant bi'idnillah azzawajal avec al-Qur'an al-Karim et pour vous familiariser. Donc vous avez ce Coran-là hein, qui est en général de couleur. Donc pour ceux qui veulent commencer avec ce Coran pour appliquer les règles de Tajwid, vous voyez ici là des couleurs, d'accord ? Et chaque couleur a été mise sur des lettres pour faciliter les règles. Par exemple, si mes souvenirs sont bons, hein, le bleu c'est pour al-qalqala, par exemple, les lettres de résonance. Chaque lettre, yani, ou chaque règle est représentée par une couleur. Donc vous pouvez vous habituer avec ces Corans-là qui sont très bien faits. Lakin, le but c'est de savoir lire avec n'importe quel Coran, sans qu'il y ait des couleurs aussi. Lakin, pour s'habituer, pour avoir une bonne récitation, il n'y a pas de mal. Donc ici, je vais vous donner simplement certains exemples au fur et à mesure. On prend Al-Idhar. Là, on est dans le Noun maintenant. Claire, on est dans le Noun. Dans la langue arabe, Al-Idhar signifie la mise en évidence. D'accord? La clarté. La clarification. Al-Idhar. Lughatan. Et ici, cette règle-là, c'est quoi? On applique cette règle lorsque le Noun As-Sakina, donc le Noun As-Sakina, vous avez compris c'est quoi le Noun As-Sakina? D'accord? Celui qui n'a pas de voyelle. Voilà, on prononce comme ça. D'accord? On le prononce de cette manière. Donc le Noun As-Sakina ou bien le Tanwin est suivi par l'une des six lettres, d'accord? On dit guttural, c'est-à-dire guttural huruf al-halq. Pourquoi? Vous allez voir. Suivante. Donc c'est les lettres huruf al-halq de la gorge. D'accord? On a le A. Donc les lettres qui sortent de la gorge. Le A, le Ha, le Ayn, le Ha, le Kha et le Ghayn. Ces lettres-là, ils sortent tous de la gorge. D'accord? C'est pour ça qu'on les appelle huruf al-halq. D'accord? Car ils sortent, yakhrujuna min al-halq. Ils sortent de la gorge. Leur point de départ, il est de la gorge. Clair? Donc ces lettres-là, donc le alif, le ici, al-hamza, le ha, le ayn, le ha, le ghayn, le kha, quand cela se trouve après, d'accord, nun as-sakina, donc à ce moment-là, le nun, il se prononce clairement. C'est ce qu'on appelle al-idhar. Wadih? Ici, par exemple, si après vous allez vous retrouver, ça va devenir mécanique, vous verrez, inshallah ta'ala. Si vous regardez surat al-Fatiha ici, vous avez, par exemple, comme on a dit tout à l'heure, Alladhina an'amta alayhim. Et ici, comment ils le représentent, al-Idhar? Parce qu'ils ont facilité aussi, même dans la plupart des Corans, hein, même s'il n'y a pas les couleurs, vous allez voir. Quand il y a al-Idhar, sur le Noun, ils vont mettre ici une soukoun, de cette manière-là un peu. Hein. Comme vous les voyez dans le Coran, donc de cette manière-là, une soukoun, pour montrer que il faut le prononcer clairement. Vous le voyez, ceux qui ont ouvert le Coran, à la fin de surat al-Fatiha, Alladhina an'amta, au-dessus du Noun, il y a un indice. À chaque fois que vous voyez cet indice dans le Coran, sur le Noun, c'est-à-dire qu'il faut dire simplement le N, prononcer clairement. Clair? An'amta. On va pas faire an'amta comme on verra dans certaines choses, dans certains cas, quand on va appliquer des règles. Là, on le prononce clairement. Ça, c'est la première règle à prendre du Noun as-Sakina. An'amta alayhim. Wadih? Clair? Donc, ici, on a plusieurs exemples concernant al-idhar du Noun as-Sakina. Donc, on a, quand il est dans le même mot, on a vu an'amta, il est dans le même mot. Vous voyez? On a d'autres exemples quand il est séparé. Mais il y aura toujours ce signe aussi sur le Noun. Par exemple, on a Min Hakim. Min Hakim. Min, le Mim. Ensuite, le Noun. Et au-dessus du Noun, vous verrez aussi le même signe dans le Coran al-Karim. Min Hakim. D'accord? Ou Min Ilmin. Ou Min Had. Ou Min Man Amana. D'accord? Man. Hop. Amana. Et là, vous allez voir au-dessus du Noun un signe. À chaque fois que vous voyez le signe, c'est la règle Al-Idhar. Al-Idhar, c'est la clarification. C'est-à-dire, on le dit clairement le Noun. Quand on applique cette règle, c'est quand après al-idhar, c'est-à-dire après al-nun al-sakina, ici, il y a une de ces six lettres. Les lettres de quoi? De la gorge. حروف الحلق. Qu'on a cité tout à l'heure. Donc ça, il faut le connaître. Si tu oublies les lettres, au moins connais la règle. Et c'est, il faut savoir que c'est une clarification de النون الساكنة ou bien التنوين parce qu'il y a des lettres qui viennent après. Et toi, après, dans le Coran, il te facilite. واضح. Mais le mieux, bien sûr, c'est d'apprendre les lettres aussi. لكن على الأقل, ce que je viens de citer précédemment. واضح. Donc là, dans le Coran al-Karim, vous avez ici ce signe-là concernant النون الساكنة. Vous avez par exemple, autrement, vous avez un autre signe. Parce qu'on a dit nun sakina et on a dit quoi encore? At-tanwin. C'est pareil. At-tanwin quelquefois, c'est-à-dire un, an, in. Quelquefois on le prononce comme ça dans le Coran. Mais quelquefois, on va le voir par la suite, inshallah. Vous allez voir, il y a des règles qui vont intervenir. On dira pas un, on dira un, i, a, an. Il y aura des runna qui vont intervenir, on va l'expliquer au fur et à mesure. Mais comment on sait qu'il faut dire clairement un quand on voit deux dhamma? Comment on sait qu'il faut dire clairement in quand on voit deux kasra? Et an quand on voit deux fatha? On dit fathatan, dhammatan et kasratan. D'accord? Donc ici, il y a des signes aussi dans le Coran al-Karim qui nous facilitent. On a vu la règle avec les lettres. D'accord, c'est pareil pour nun as-sakina ou tanwin. Mais maintenant les signes, on a vu le petit signe pour nun as-sakina et pour tanwin, c'est quoi? Ici pour le tanwin, vous allez voir que ici elle est entourée la dhamma d'un demi-cercle. D'accord? Par exemple dans sourate Al-Ghashiyah, verset 6, laysa lahum ta'amun illa min dari'. D'accord, sourate Al-Ghashiyah. Donc ici, verset 6. Vous pouvez le voir si vous voulez rapidement maintenant, ou alors vous verrez par la suite. Donc c'est dans les dernières sourates du Coran. Hal ataka hadithul ghashiyah. Laysa lahum ta'amun. Au-dessus du mim, donc ta'amun, il y a le mim. Et ensuite il y a la dhamma. Si on avait eu deux dhamma dans ici, on aurait dit ta'amun. Mais là, pour te faciliter la règle, quand tu vois dans le Coran une dhamma et un arc de cercle au-dessus de la dhamma, ici à ce moment-là, tu dis ta'amun. Clair? Ça c'est pour le un. Ta'amun. Wadih? Surat al-Ghashiyah, c'est la surat combien? Combien? 88, hein? Regardez. Laysa lahum ta'amun illa min dari'. Donc ici, 88. Wadih? Et ici, vous avez, là on a vu pour un. Il nous reste maintenant in. Et il nous reste maintenant an. Wadih? Comment on sait qu'on doit les prononcer clairement? Et comment on sait qu'on doit pas les prononcer clairement? La règle, c'est la même. Mais maintenant, à travers le Coran, est-ce qu'il y a un signe qui nous montre et qui nous facilite le travail aussi? Il y a le fait que quand vous voyez les deux fathas qui sont bien parallèles, ils restent bien parallèles. Clair? Il n'y a pas de décalage entre la barre du haut et la barre du bas. Ils sont bien parallèles. Là, on doit le prononcer ou pas? On le prononce clairement. An. Quand les deux kasras, ils sont bien parallèles, une en dessous de l'autre, on dit in. Mais quand ils sont décalés, là, à ce moment-là, il y a une règle qui intervient. Par exemple, surat al-falaq, qul a'ouzu bi rabbi al-falaq. D'accord? Min sharri ma khalaq wa min sharri, par la suite à la fin, wa min sharri hasidin idha hasad. Hasidin, vous voyez ici là les deux kasra. D'accord? Donc ici vous voyez qu'il y a les deux kasra, hasidin, ils sont bien parallèles ou pas? Ils sont parallèles, il n'y a pas de décalage. Une plus vers la droite que celle du bas. Non, ils sont bien parallèles. Quand ils sont bien parallèles, on les prononce. Quand ils sont pas bien parallèles, ils sont décalés un peu comme ça. Donc là, ça veut dire qu'il y a une règle qui va intervenir et c'est ce qu'on va voir par la suite. Mais quand ils sont bien parallèles, tu dis in, an. Clair? Quand tu vois la dhamma avec, ici, elle est une sorte de petit arc de cercle, tu dis un. Et quand tu vois le nun as-sakina avec une marque, tu dis n. Wadih. C'est clair? Par exemple, dans surat al-Ghash, il y a aussi tasla naran hamiya. D'accord? Tasla naran. Naran. Donc ici on a deux fatha. Wadih. Kufuwan ahad. Naam. Kufuwan ahad. D'accord? Naam. Naam. Iqra. Plein, mais on a cité déjà. Mashallah. De toute façon, après les autres, on va les voir. Hein. Ceux qui ne sont pas parallèles, on va les voir bien et quand on va appliquer les règles qui vont les et qui vont les suivre, inshallah. Clair. Donc là, on a al-idhar. Est-ce qu'il y a quelque chose de compliqué sur al-idhar? Wadih. On a al-idgham. Al-idgham, c'est l'assimilation. L'assimilation. L'assimilation, al-idgham, en arabe, c'est l'insertion, l'assimilation, l'emboîtement. Ici, quand on parle d'assimilation de al-idgham, on est toujours dans nun as-sakina ou bien at-tanwin. On est toujours dans ça. Donc, ici, on applique cette règle lorsque le nun as-sakina ou le tanwin est suivi par l'une des six lettres d'al-idgham. C'est encore ça. C'est des lettres qui font que quand elles les suivent, elles suivent le nun as-sakina ou le tanwin, eh bien, on va appliquer la règle qui est al-idgham. Mais al-idgham, on va voir, c'est plus l'idhar. Hein. Al-idhar, c'est quand il y a les six lettres qu'on a citées, on le prononce clairement. Là, c'est autre chose. Quand vous voyez le ra, le lam, le mim, le nun, le wa ou le ya, réunis dans la phrase yarmaloun, si on veut, pour se repérer facilement, yarmaloun. Ici, le ra, le lam, le mim, le nun, le wa et le ya. Donc, à ce moment-là, on doit appliquer cette règle qui est al-idgham. Techniquement, la règle de al-idgham consiste à faire emboîter ou insérer la lettre du nun as-sakina ou du tanwin avec l'une des six lettres vocalisées mutaharrika, de sorte à ne former plus qu'une seule lettre redoublée mushaddada. Wadih? Et al-idgham se divise en deux catégories. Al-idgham bi-runnah ou al-idgham bi-ghayri-runnah. On va donner des exemples, insha'Allah ta'ala. Il y a l'idgham avec nasiment ou nasalisation. Vous avez compris ce que c'est qu'al-runna. C'est le son quand je fais avec le noun et le mim, il y aura toujours une runna. Certaines fois, elle va être très très légère. Mais à la base, la règle, c'est qu'il y a toujours une runna. On voit qu'il y a un son qui sort du nez. C'est ce qu'on appelle al-runna. D'accord? Al-runna. Donc ici, al-idgham, quand il y a une de ces six lettres qu'on a citées, d'accord, qui vient après le nun ou bien le tanwin, eh bien on va appliquer al-idgham. C'est-à-dire que si on a le nun et après le nun, on a une lettre de ces six lettres qui est vocalisée, mutaharrika, il y a une voyelle dessus, eh bien le nun, il est, al-idgham, on a dit c'est quoi l'assimilation, il est assimilé par cette lettre-là, qui devient une seule lettre et qui prend une shadda. Clair? Et il y a des cas où ça va être avec une nasalisation, et il n'y a que deux cas où il n'y a pas de runna. Wadih? On va donner un exemple d'abord sans runna. On a min, le mim et le nun, c'est clair? Mim et nun. Et ensuite on a Rabbihim, le Ra, le Ba, le Ha et le Mim. Min Rabbihim, Min Rabbihim. Là on a un Nun, wadih, Nun, Min, il est Sakina, Nun as-sakina, Nun vocalisé. Il n'y a pas de Mina, Mini, Minu, Minan, Minin, Minun, non, Min. D'accord? Donc c'est un Nun Sakina. Maintenant comment on va savoir si on doit dire Min, Al-Idhar, ou bien on va appliquer les autres règles. À al-idhar, on a expliqué tout à l'heure. On va regarder dans le Coran. S'il y a un signe au-dessus du nun, on dit min. Min. min. S'il n'y a pas de signe, c'est que là, ah, c'est une règle. Il va avoir une règle. C'est-à-dire, on va plus le prononcer clairement. Clair? Et la règle dans les détails, c'est si il y a une des six lettres qui va venir après le noun, qui font partie des lettres de, ici, al-idhar, à ce moment-là, le noun doit se prononcer clairement. Mais quand je dis, quand on regarde le Coran, quand il nous mâche un peu le travail, entre guillemets, donc à ce moment-là, on parle de ishara, de signe ici, qui va être mentionné. Regardez. Mais là, il n'y a pas de signe. Par exemple, je vois qu'il n'y a pas de signe. Ici, c'est qu'il y a une règle. Comment je sais? Ah, je sais que il y a une lettre qui le suit, qui fait partie des lettres de l'idram. Le ra. D'accord? Yarmaloun. Ra. Le ra, il se trouve après, ça veut dire qu'on doit appliquer l'idram, l'assimilation. C'est que la deuxième lettre, mutaharrika, c'est-à-dire le ra, la lettre qui suit le noun, elle est mutaharrika mir ra. Il y a une fatha, elle va assimiler, comme si elle allait avaler le noun. Donc le noun, il va plus exister. Donc on va passer directement à l'autre lettre. Et on va passer à l'autre lettre, mais comme elle a assimilé la lettre noun, l'autre lettre, elle va prendre automatiquement une shadda. Mais là, la shadda, vous allez la voir, elle va être mentionnée dans le Coran. Et donc on va prononcer de quelle manière? Mir rabbik. Mir, mir. Alors que normalement c'est min rabbik. Lakin man qara'a yani hakadha min rabbik. D'accord? Celui qui a lu de cette manière ou qui lit de cette manière min rabbik. D'accord? Il a appliqué al-ilm al-tajwid al-amali. Donc est-ce qu'on va lui dire que t'es athim? Tu as fait un péché? عند الجمهور, tu n'as pas fait de péché. Clair? Mais ici, celui qui veut appliquer les règles de tajwid complet et réciter de la meilleure des manières, il va appliquer les règles de tajwid. Et il va dire, mir rabbik. Mir rabbik. Pourquoi? Parce que ra yarmaloun min huruf al-idram. Et il vient après nun al-sakina. Et le ra, il est parmi huruf. Ici, c'est un harf qui est avec une voyelle. Et donc, ici, il y a l'assimilation. Et il assimile, c'est-à-dire, il avale quelque part. Ici, le nun al-sakina. Et il nous reste que le ra avec une shadda. Mir rabbik. Wadih? Il y a deux exceptions, hein, sans runna. Il y a le ra et il y a le lam. Pourquoi je dis sans runna? Est-ce que vous avez entendu une runna ici? Mir rabbik. Il n'y a pas de runna. Il n'y a pas de son qui sort du nez. C'est sec. Mir rabbik. Wadih? Tandis que les autres, il y aura une nasalisation. Mais ça, c'est, rappelez-vous, c'est simple. C'est quand il y a le ra ou le lam, après le nom. Mir rabbik. واضح. On a avec le lam. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. Ah, et là ولم يكن. On a النون الساكنه له le lam et le ha. ولم يكن له. Ah, on a le lam. Donc lam من حروف الادغام. D'accord, من قرأ هكذا ولم يكن له صحيح. C'est authentique, c'est on va dire c'est bon, c'est accepté. مقبول, c'est accepté, c'est-à-dire il n'est pas athim. Lakin ici il y a un manquement. Il y a ce qu'on appelle khalal, une déficience dans sa lecture. Il veut appliquer les règles de tajwid et ben là à ce moment-là on lui dit tu dois appliquer la règle de l'idram parce qu'après nun sakina ولم يكن له يلم. Et donc comment on va dire ولم يكن له ولم يكن كل. Le nun, il disparaît. ولم يكن له كفوا احد. D'accord? Et comment il est représenté dans le Coran, en tout cas du moins des couleurs? Dans le Coran où il n'y a pas de couleurs, où il y a des couleurs, Allahu a'lam, si mes souvenirs sont bons, ils le mettent en gris. C'est ça? Ils le mettent en gris. Pour vous montrer que quand c'est en gris, c'est que une couleur, ils mettent gris clair, léger pour dire que voilà, il disparaît. D'accord? ولم يكن له لم يكن له. Est-ce que j'ai fait une runna ici, une nasalisation? Il y a pas de nasalisation, c'est il faut que ça soit sec que pour le ra et le lam. On va pas dire ولم يكن له. Je vais lâcher ici le son as-saut qui va sortir de la cavité nasale. ولم يكن, ça c'est faux. ولم يكن له. Il y a une différence. ولم يكن له sec. ولم يكن له. Et le deuxième cas, faut pas qu'il y ait de son qui sort de runna. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et selon une lecture, kufuwan bil hamza, ولكن là dans hafs kufuwan, kufuwan ahad. واضح? Donc ici on dit wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ça c'est l'idgham bighayri ou biduni runna, sans nasalisation. Non, non. Ça, je dis sans runna. Mais là, les autres cas, il y en a plein, on va les voir tout de suite. Le nun s'efface toujours. Dès qu'on dit idram, et dès que vous voyez du gris, c'est que le nun s'efface. Maintenant, simplement, il y a deux cas. Là, je vous ai cité le plus simple. Sans runna, quand il y a lem et ra. Faut pas faire de runna, de nasalisation. Faut que ça soit sec. Maintenant, les autres cas, c'est al-idram bi runna. C'est pareil, la même règle. Vous allez lire avec le Coran en gris. Après, on va faire des essais, inshallah, avec surat al-Fatiha, etc. Vous allez bien vous repérer, bi-idnillah. Mais au début, c'est comme ça, c'est un peu en vrac. Mais ça va s'éclaircir, inshallah, ta'ala. Et je peux pas, en tout cas, moi, selon mes capacités, faire mieux pour m'adapter à tous les niveaux. J'essaie de pas monter trop la barre haute et pas trop descendre en bas parce qu'on peut pas de toute façon. Donc ici, c'est ce qu'on appelle. Et de toute façon, vous avez des livres de référence. Juste des livres de référence. Il y a les livres de Tejwid, le noir qui est sorti, un nouveau en vert qui est sorti aussi, qui résume un peu ça. J'ai pris beaucoup de notes par rapport à ça. D'accord, qui donne les points principaux. C'est la nouvelle version du livre de Tajwid, un tout petit livre, fascicule qui est sorti aussi, qui est très bien expliqué. Et ici, vous les prenez en support, ça va vous servir ici en support, mais être présent et prendre des notes, c'est toujours meilleur, ça c'est sûr. Lakin, on continue, inshallah ta'ala, on wasil. Donc ici, al-runna, on a parlé de al-idram, afwan. Al-idram, il y a plusieurs cas dans al-Qur'an, al-Karim, où il y a al-idram aussi. Parmi ces cas-là, ces exemples-là, qui connaît des exemples où il y a al-idram bi-runna? On a quoi? Personne a un exemple? H? Qul ya akhi, parce que moi j'ai pas pris de notes. C'est qui a dit? تبت يدا أبي لهب أحسنت تبت يدا أبي لهب وتب نعم d'accord vous la prenez d'accord et là vous avez avec al-idgham pareil ils le mettent en quelle couleur en gris d'accord mais simplement c'est avec runna clair c'est avec runna واضح donc ici vous l'avez d'accord dans sourate al-masad. Donc vous avez tabbat yada abi lahabin wa tabba. D'accord? Donc wa tabba, on le verra par la suite là. Attention, il y a une shadda. Tu ne prononces pas la fatha, mais tu dois appuyer sur le bas quand tu t'arrêtes, hein. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Faut pas dire wa tabba. Wa tabba. Il y a le qalqala plus la shadda. Mais on verra par la suite ça. Tabbat yada abi lahabin. Normalement c'est abi lahabin. D'accord? Abi lahabin. Voilà, que vous avez vu, ils ont montré en gris. Ça veut dire qu'ils vous mâchent le travail. Donc ici, ils sont un peu décalés. Vous savez, ils sont pas bien parallèles. Ça veut dire qu'il y a une règle. S'ils étaient bien parallèles, c'est qu'on dit in. Lakin là, il te dit non, tu dis pas in. Il y a une règle. Quelle règle? Là, ils te mâchent en gris. Khalas, tu sais que c'est l'idram. Birunna ou sans runna, nasalisation ou sans, avec ou sans. Ah, je sais que sans nasalisation c'est que deux lettres, lamira. Ah, c'est pas lamira, c'est avec nasalisation. C'est-à-dire je sors un son de la cavité nasale du nez et je dis, ça veut dire que la règle de l'idram, je passe directement après l'autre lettre, sur l'autre lettre. Tabbat yada abi lahabin, directement. Abi lahabi, je dis pas bin. Bi, dès que le son i sort, je passe à l'autre lettre. Abi lahabin wa tab. Abi lahabin wa tab. D'accord? Je passe directement waw avec une runna. Abi lahabin wa tab. واضح? C'est clair? Et il y a plusieurs exemples hein, dans le Coran, mais vous voyez ici, je vous ai donné un exemple, akhira trois un exemple mashallah, واضح. C'est clair pour l'idram ou pas? Ça c'est celle qui touche à tenouin, naam. Ça c'est avec tenouin, l'idram qui touche à tenouin. Clair? On va donner un autre exemple. D'accord? Sans tenouin, avec le noun, qui trouve quelque chose là rapidement, inshallah. min rabbik s'en a dit, hein? Surat al-Mulk, na'am. Sûrement, sûrement, c'est juste, qul. Shahiqa. Prenez Surat al-Mulk. C'est bon? Surat al-Mulk, c'est quoi, 67, hein? 100. Hein? 67. Khalas. Yallah. C'est où que t'as dit exactement? Shahiqan wa hiya tafour. Non, voilà, ça c'est quoi ça? C'est un idgham avec quoi là? Non, non, sans tanwin, je vous ai dit. Hein? إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض ها؟ نعم أحسن ومن يعمل سورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها jusqu'à ce que vous arrivez à ومن يعمل ومن يعمل واضح on avait dit c'est quoi la phrase يرملون حروف الإدغام donc on a ومن يعمل نون vous voyez ici dans surat idha zulzilatil ard ici waman le noun est-ce qu'ils ont mis un ici un signe dessus ils ont pas mis ils l'ont mis de quelle couleur gris donc automatiquement c'est al idgham on regarde c'est quoi la lettre après c'est le ra et le lam on fait l'idgham sans ghunna ah c'est pas le ra et le lam donc c'est les autres lettres yan ghunna donc on passe directement à l'autre lettre on dit وَمَنْ c'est le ya وَمَنْ يَعْمَلْ non نون ya يَرْمَلُونَ ya من حروف الإدغام on passe directement on annule le نون واضح وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَال d'accord وَمَنْ يَعْمَلْ d'accord c'est clair ou pas واضح on a الإقلاب أو القلب. Ça c'est une autre règle. On est toujours dans نون الساكنة et التنوين. نون الساكنة ou bien التنوين. Donc on a vu l'idghar, c'est clair. Ils te mettent un signe. واضح. On a vu l'idgham dans les livres, le Coran avec les couleurs pour t'habituer au début, c'est en gris. Clair? Runna sans runna. Sans runna, lamira. Le reste, yarmaloun. Ces lettres-là, les six, c'est avec. Non, pas les six. Maintenant, il nous en reste. Les quatre avec runna. Clair. On a l'iqlab, c'est ce qu'on appelle la substitution. La substitution, l'uratan, l'iqlab est le fait de changer quelque chose de sa forme initiale. D'accord? Tu changes, d'accord, quelque chose de sa forme initiale. La transformation de sa nature d'origine. Et concernant la règle que la majorité connaît sous le nom de l'iqlab, ce que je vous ai dit maintenant, il faut savoir que le terme en arabe, c'est-à-dire propre à l'arabe classique, est le terme juste, comme le soulignent les savants de Tajwid, c'est al-qalb. Le mieux, c'est de dire al-qalb. C'est plus connu et répandu par al-iqlab. Mais le mieux, c'est de dire al-qalb. Clair? C'est quand que se passe cette règle-là, ou qu'on doit appliquer cette règle-là. C'est quand on a encore le nun as-sakina. On est toujours avec nun as-sakina. Ama si c'est pas nun as-sakina, c'est na, ni, nu, nun, nan, ni. Ça c'est wadih. C'est clair, on le prononce comme il est dit. Là on est nun as-sakina, c'est n. Voilà. Comment on doit le prononcer? C'est là où on applique les règles. Clair? Donc quand le nun as-sakina, ou bien le tanwin, toujours, un, an, in, etc., il a akhiri, et le ba sont très proches du moins, du même point de sortie. C'est la raison pour laquelle il n'y a de substitution que pour la lettre ba. On transforme donc le nun as-sakina et le tanwin en mime pour faciliter la diction. Clair? Donc ici, ça consiste à changer le nun as-sakina ou le tanwin par mime, franc. On va le transformer. Le ba, d'accord? Ici, le nun as-sakina, on va le transformer en quoi? En mime. Un mime franc. Lorsqu'il est suivi d'un ba, en effectuant une runna complète ou totale, ce qu'on appelle la runna kamila. C'est une runna claire. Wadih. Et il faudra bien veiller, et on va en parler de ça, parce que vous allez voir, à un moment, il y aura un irtilaf entre gens de science, et je vais vous mentionner la divergence, inshallah ta'ala. Faudra bien fermer clairement les lettres. Comme ça. Quand on prononce le mime, on ferme les deux lèvres. D'accord? Wadih. Donc, ici, quand on a le noun, ou bien noun sakina, ou bien tanwin, et juste après, il y a la lettre ba. Clair? Il y a le noun sakina ou tanwin, juste après, il y a la lettre ba. Il se passe une transformation. Le noun sakina ou le tanwin se transforme en mim, franc. Dans Al-Qur'an Al-Karim, en général dans les Corans, ils mettent quoi comme signe? Un petit mime. Ils vont vous mettre un petit mime. Soit au-dessus du noun sakina, ils vont mettre un tout petit mime. Ou soit où il y aura tanwin, par exemple fathatan, à côté ils vont mettre un petit mime. Ils te mâchent le travail. Et là tu vas capter, tu vas dire, ah, c'est la règle, parce que juste après à le bas, ils te disent, attention, le noun s'est transformé en mime franc. Clair? Par exemple, on a dans Surat Al-Humaza, verset 4. Surat Al-Humaza. Waylu li kulli humazati lumaza. Surat Al-Humaza, verset 4. Kalla la yun, on a le nun as-sakina, la yun ba, et après on a le ba. La yun ba, la yun badanna. D'accord? La yunbadhanna fil hutama. La yunbadhanna. Pourquoi ces règles-là? C'est comme ça que prononçaient les Arabes. Et ils avaient un niveau tellement élevé dans la langue arabe que c'est une référence de dire, et c'est un argument de dire, parce que les Arabes prononçaient comme ça. Tellement qu'ils étaient forts. Ils avaient le tajwid qui sortait de la bouche. Ils avaient une éloquence. C'est pour ça que, ici, comme vous le savez, Allah Jalla wa Ala, quand il a envoyé des prophètes à leur peuple, ici Allah Subhanahu wa Ta'ala a donné des miracles aux prophètes, d'accord? Pour montrer à ce peuple que c'était vraiment un prophète. Et donc ces miracles devaient ici être supérieurs aux choses qu'ils avaient ou qu'ils aimaient ou qui étaient répandues chez eux. Comme Moussa alayhi salam, à son époque, ce qui était connu, c'était là. La sorcellerie. Allah Jalla wa Ala a donné des miracles à Moussa alayhi salam qui a fait annuler les choses qu'ils avaient et qui donnaient, à quoi ils donnaient beaucoup d'importance. La sorcellerie, etc. Allah Jalla wa Ala, il a dit à Moussa alayhi salam, jette ton bâton. Son bâton s'est transformé en serpent. D'accord? Et ce serpent-là, il a mangé, les autres serpents qui n'étaient qu'une illusion et du sihr. Et ici là, les sihr, ils ont dit, ça c'est pas de la sorcellerie ça. Ils se sont tous prosternés pour Allah Jalla wa Ala. Donc ici, chaque peuple à chaque fois, Isa alayhi salam, c'était quoi? C'était la médecine. Allah Jalla wa Ala, il a permis à Moussa de faire quoi? De guérir l'aveugle. Et ici, pourquoi? Pour que eux, quand ils avaient ces grands moyens, cet art-là entre les mains, quand ils voient ça, ils se disent, mais c'est pas possible que ça soit un être humain qui est, ça ne peut être qu'un prophète. D'accord? Et les Arabes, ils étaient tellement éloquents, ils étaient tellement forts dans la poésie qu'Allah Jalla wa Ala a révélé quoi? Le Coran Al-Karim. Et là, quand ils ont vu le Coran Al-Karim, ici, ils ont dit, c'est pas possible que ça vient d'un être humain. Clair? Et ça nous prouve qu'ils avaient un haut niveau, très haut niveau dans la langue et dans Al-Balara et dans l'éloquence et l'akhir. Wadih? Donc, ils disaient comme ça. Pourquoi? Parce que ça, déjà, vous voyez, le noun avant le bas, la yun, vous voyez? On voit que, ici, on sent le mime. La yunbad. Vous le sentez le mime ou pas? Même si tu veux pas appliquer la règle. Quelque part tu vas l'appliquer, quelque part sans le vouloir. La yunb. Parce que tu passes du noun au bas. La yunb. Ah, tu sens le mime. C'est pour ça que là, il y a cette règle-là, et comme ça prononçaient les Arabes, clairement, même quand ils parlaient. Cette règle de al-qalb. Même quand ils parlaient. Et donc, ici on dit, la yumbadhanna fil hutama. La yum, c'est-à-dire, on enlève le nun, non, on le transforme en mime. parce qu'il y a le bas avant. Donc là dans le Coran, surat Al-Humaza, vous allez voir un petit mime au-dessus, c'est pour te dire, khlas, il n'y a plus le noun, il est en mime, il s'est transformé en mime. La yum est un mime franc, tu fermes les lèvres et tu restes deux temps dessus avec une runna, nasalisation. Écoutez la nasalisation. La yum badan, d'accord, la yum, ça sort par la cavité nasale. La yum badan fil hutama, واضح. La yum, d'accord, et c'est ce qu'on appelle al-qalb. واضح. Et quand on dit deux temps ou deux mouvements, c'est le temps de la flexion d'un doigt, c'est-à-dire tu comptes pas en secondes, c'est comme ça. Le temps que le pouce ou le doigt se lève, tu lèves directement l'autre. Ou alors quand tu ramènes, d'accord, le pouce ou le doigt, comme ça, comme je viens de le faire, et ben là, directement tu ramènes le deuxième. C'est ça les temps. Donc tu comptes comme ça. La yum badan, clair, comme ça. Voilà comment on compte les temps. Quand on dit, quand on verra les temps, les moudoud, les prolongations, deux temps, quatre temps, six temps, comme ça. Oulaika, quatre temps. Vous voyez, comme ça, on va les compter. Oulaika. Là, deux temps. La runna, c'est deux temps. Donc, on va faire deux temps. La yum badan. La yum badan. Et je pars. Deux temps. Et en général, les runna, c'est combien de temps? C'est deux temps. D'accord? Donc, le temps, ici, que tu as pour, ici, lever deux doigts, par exemple, ou le pouce et le doigt. La yum badan fil hutama. Clair? Non, Wassim? Donc, il y a ce petit mime. Et ici, inshallah ta'ala, je pense que dans la plupart des Corans, il y a. Et là, on a l'exemple aussi dans, avec At-Tanwin. Par exemple, dans Surat Al-Balad. D'accord? La uqasimu bihadha al-balad. Wa anta hillum. Wa jahillum, pourquoi? Parce que c'est hillun. Mais après, il y a bihadha al-balad, le bas. D'accord? On a le bas. Donc, on va dire, wa anta hillum, clairement. Hillum, hillum bihadha al-balad. واضح? Donc, ici, tu auras le, un dhamma et le petit mime. Qui te dit, voilà, khlas. Tu dis le ou, mais stop, tu passes au mime. Hillum bihadha al-balad. واضح? Et selon Hafs, parce que là, il y a d'autres règles, mais je veux pas m'étaler dessus. Mais lakin, selon Hafs, ici, il est permis de faire la liaison entre le dernier verset d'une sourate, la basmala, et le premier verset de la sourate suivante. D'accord? Ça, c'est selon Hafs. Donc, par exemple, dans sourate Al-Fil, et la sourate Quraysh. Ça, c'est pour aligner entre la sourate et la basmala, et la basmala et la sourate. Et il y a des fois, est-ce qu'on peut aligner la sourate et tout, mais je vais pas rentrer dans ça, je donne juste un exemple ici. Par exemple, faja'ala, فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِمْ, d'accord, كَعَصْفِمْ, donc ici c'est quoi comme règle? فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِمْ, c'est الْإِدْرَامْ, d'accord, كَعَصْفِمْ, d'accord, runa, كَعَصْفِمْ مَأْكُول. Et ici après مَأْكُول, j'ai en dessous de l'am de كَسْرَة, donc normalement, je dis ma'koulin bismi. Si je continue après, parce qu'on passe à une autre sourate après, bismillah, bismillahir rahman rahim, al-basmala, d'accord. Et après al-basmala, il y a li'ila fi quraish, d'accord. Donc, comment je vais aligner entre ici ou enchaîner? Je vais dire faj'alahum ka'asfim ma'kulim bismillahir rahmanir rahim li'ila fi quraish. واضح? Ici faj'alahum ka'asfim donc ka'asfim donc birunna idgham assimilation ka'asfim ma'kulin. Non, après il y a le bas bismillah, le bas de la basmala. Donc je vais dire ka'asfim ma'kulim مأكول بسم الله الرحمن الرحيم. D'accord? Donc si je continue, بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش. Donc ici, si je veux pas m'arrêter et enchaîner avec al-basmala et avec la sourate après, c'est autorisé selon Hafs. Et ici, comment je réagis? Donc ici, il y a deux kasra, donc je fais l'application de la règle qui est al-qalb. واضح? On a la quatrième règle concernant nun as-sakina, et tanwin al-ikhfa. Al-ikhfa. Al-ikhfa, lughatan, c'est le fait de cacher. Al-ikhfa. De voiler, de dissimuler. Et ici, techniquement, on parle de la prononciation du nun as-sakina et du tanwin qui se situe entre al-idhar et al-idgham. Al-ikhfa, c'est le nun sakina et le tanwin qui est entre les deux, les choses qu'on a citées. On a cité tout à l'heure al-idgham, c'est-à-dire il disparaît. Donc on l'annule, le nun. Et on a parlé de l'idhar. Le nun, on doit le prononcer clairement. Non, celui-là, il est entre les deux. C'est ni il disparaît, ni tu le prononces clairement. Ce qui va te pousser à réagir d'une manière avec une runna, comme on va le voir, bi-idnillahi azza wa jal. Clair? Donc ici, il y aura une runna complète de deux temps. Dans le nun as-sakina et le tanwin. C'est obligé. Il y aura une runna complète. Elle va être claire, la runna. Tu vas l'entendre clairement. Et ça, ici, c'est quand sont suivies les 15 lettres restantes de l'alphabet. Clair? Donc tu enlèves les lettres de l'idhar, tu enlèves les lettres de l'idram, tu enlèves les lettres de l'qalb, il te reste 15 lettres. D'accord? C'est le jim, le dhal, le dal, le tha, le ta, le da, le sad, le shin, le sin, le zay, le kef, le qaf, le fa, le dha et le ta. Ces 15 lettres-là, donc là, ici, quand ils suivent le nun as-sakina ou bien tanwin, là tu devras faire ce qu'on appelle l'ikhfa avec une nasalisation claire. C'est-à-dire ni tu vas prononcer le nun et ni tu vas l'annuler. Et ça, en général, Allah a'alam, dans le Coran, avec des couleurs, ils le mettent, le nun, sans, en vert, hein, en vert. Donc en vert, couleur verte. Et ici, il n'y a pas de signe au-dessus du nun. Donc tu sais qu'il y a une règle. Et là, ils le mettent en vert. Al-Aisha, c'est à quelle heure? 22h18, c'est maintenant. On va terminer là, inshallah, juste deux petits points. Donc ici, concernant le nun sakina avec cela, donc on va prononcer le nun sakina ou le tanwin d'une manière qui se situe entre al-idhar et al-idram. D'accord? Wadih. Et son application se fait que ça soit à l'intérieur d'un mot ou bien à l'extérieur d'un mot. On va donner des exemples. Et il y a plein de fois dans le Coran al-Karim où revient cette règle de al-ikhfa. D'accord? Mathalan, ici, dans Surat al-Kafirun. Wala antum. D'accord? Wala antum. Donc, logiquement, je pense dans Surat al-Kafirun, ils ont mis en vert, hein. Ils ont mis en vert ici, alors, hein. Si c'est en vert, ça doit être en vert, alors. D'accord? Donc, wala antum. Ah, on a dit, il y a le ta, ça fait partie des 15 lettres. Eux, dans le Coran, avec les couleurs, ils vont le mettre en vert. Wala antum, c'est faux. D'accord? Donc ici, on doit être entre al-idhar, c'est-à-dire antum, on peut pas, et entre al-idram, c'est-à-dire on peut pas faire disparaître directement le nun, ça donnerait wala antum, atum, antum. On peut pas. C'est ça al-idram, c'est on fait disparaître. Donc on est entre les deux, ça nous pousse à faire ce son qu'on entend souvent quand on récite le Coran. Wala antum antum min sharri ma khalaq wa min. C'est ça, ce son là qu'on appelle al-ikhfa. C'est pour pas qu'on l'annule et pour pas qu'on le dise clairement. On est entre les deux. C'est-à-dire on se dirige vers lui, wala an, on se dirige vers le nun. Et avant de le prononcer, tum, on passe à l'autre lettre. Si on l'aurait prononcé clairement, on aurait dit wala wala antum. Non. Si on l'aurait annulé, wala atum. Non, on va faire al-ikhfa, d'accord, pour une atténuation pour pouvoir passer à l'autre lettre. Wala antum antum wala antum. Et c'est avec al-runna complète. C'est un son clair. Min sharri, celui qui va qara comme ça par exemple. قل أعوذ برب الفلق من شر ما من شر من شر ما خلق. D'accord? On va dire que le sens il change pas. من شر ما خلق. لكن il n'a pas appliqué العلم النظري. Les règles de tajwid. Donc on va le dire, tu dis من شر. واضح? Et maintenant il y a deux sortes de إخفاء. Il y en a un avec al-tarqiq, c'est-à-dire de façon aiguë, et un irfa de façon plus emphasée, grave, ce qu'on appelle al-tafrim. Quelquefois on va dire mi, c'est comme si tu faisais un sourire. Mi sharri. C'est ce qu'on appelle al-tarqiq de façon aiguë. Et quelquefois tu vas faire al-irfa aussi, pareil les règles non sakina, mais tu vas emphaser ta bouche. Par exemple, min qabl. Là, on doit appliquer ici cette règle là. Mais là, on va pas le faire min qabl. Non, on va faire remplir la bouche. On va faire min qabl. Voilà la différence entre mi sharri et mi qabl. Il y a le mi et le mi. Wadih? Quand on doit faire avec de façon aiguë et de façon grave, ça bi'idhnillahi azza wa jal, on va le voir inshallah ta'ala, et c'est très simple à appliquer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux façons de faire al-irfa, et que al-irfa, il doit être mis en application pour apporter ici, pour avoir une bonne récitation claire en appliquant les règles de tajwid quand il faut le mettre en application. Il ne faut pas appliquer l'irfa quand il n'y a pas besoin de l'appliquer. Ou le runna, parce que certains ils mettent des runna partout. Ou il ne faut pas mettre le runna. Il faut mettre le runna, la nasalisation, quand il faut mettre la nasalisation. Et il ne faut pas la mettre quand il ne faut pas la mettre. Par exemple, sayasla dans surat al-masad, pareil al-masad, on va mettre verset 3. Sayasla naran dhata lahab. D'accord ? Donc là on a sayasla naran, donc de fatha, dhata lahab. Donc ici on va appliquer la règle de quoi? Al-irfa. Donc on va dire comment? Sayasla naran dhata lahab, naran, et avec un sourire, dhata lahab. D'accord? Ra, parce que c'est bit tafrim, mais on doit partir directement avec tarqiq. Naran ذات لهب. واضح. Et il y a plein d'exemples dans le Coran. Min sharri ma khalaq. Par exemple, min sharri hasidin idha hasada. Pareil, d'accord. Et avec emphase, par exemple, dans sourate An-Nazi'at, fa'amma man tagha. فَأَمَّا مَنْ. Mais après il y a طَغَ. فَأَمَّا مَنْ طَغَ. Là je le fais avec l'emphase. Mais quand on le fait avec l'emphase et quand on le fait de façon aiguë, ça بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Je vous le mentionnerai demain au prochain cours inshallah ta'ala. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا